Questions et réponses. Je pense que vous avez beaucoup de choses à me demander. Dans ce chapitre, je vais répondre à toute une série de demandes qu'on m'a posées dans des circonstances différentes, au téléphone et de vive voix, pendant les conférences. La recette pour la guérison du cancer, ou pour le prévenir, pourra sembler simple, banale. J'en suis d'accord. On peut s'en remettre, comme on disait dans les cercles du maté, à la découverte de la poudre ou bien à l'œuf de colon. En tout cas, j'ose ajouter quelques explications pour éclaircir l'argument. Je prends ici la liberté de formuler des questions que le lecteur voudrait peut-être me poser. Il se peut que ce ne soit pas là, tes curiosités, mais je crois que je m'en approcherai beaucoup. Imagine de proposer toi-même ces questions. Pourquoi est-ce qu'on emploie le miel d'abeille dans la préparation de ce mélanger? À sa place ou en son absence, pourrait-on employer le sucre? Par exemple, R. On emploie le miel d'abeille, naturel, avec toutes ses qualités, car il est considéré, dès l'Antiquité, comme un excellent aliment. Le miel réussit à pénétrer dans notre corps, jusqu'à ses coins les plus cachés. C'est sur ce véhicule que l'aloès sera conduite à effectuer le nettoyage et l'enlèvement des impuretés qu'elle trouvera, chemin faisant. Ce procédé comportera un nettoyage général de tout l'organisme, surtout du sang, ce qui pourra causer la guérison du cancer, ainsi que d'autres maladies mises en relation, comme par exemple les rhumatismes, l'arthrose, etc. Tout le monde sait que le sang est vital pour le corps humain. Il a une fonction semblable à celle de l'essence dans la voiture. Nous savons que le moteur ne peut pas longuement fonctionner si l'essence est de mauvaise qualité. Par contre, le contraire est vrai, le moteur aura un meilleur dégagement, il durera plus longtemps, si le carburant est d'une excellente qualité. On comprend alors que le sang purifié est le seul responsable de la santé de notre organisme et, par conséquent, de la vie de chaque personne. Bon, prenant notre mélange, tu feras un investissement sur ta santé, puisque tu seras en train de travailler afin d'améliorer le niveau de ta vie. On comprend bien qu'il est important de procéder à un nettoyage au moins une fois par an. Il s'agit d'un entretien normal, c'est-à-dire d'une nécessité, estime-toi heureux du fait que tu n'es pas atteint d'une tumeur. Fais la prévention contre le cancer, et libère-toi de tant de maladies, en préparant toi-même ta dose d'aloès, au moins une fois par an. Pourquoi l'eau de vie fait-elle partie des ingrédients? R, l'eau de vie, en elle-même, pourra sembler l'ingrédient le moins important entre les trois. Le moins indispensable? La première explication qu'on m'a donnée, sur la nécessité de l'emploi de l'eau de vie, a été la suivante, dans quelques villages perdus, dans les grottes où l'électricité n'est pas encore arrivée, le gens ne possède pas de réfrigérateur. Sans cet appareil le produit finit par s'abîmer. L'eau de vie a la fonction de conserver le mélange, sans qu'il subisse des altérations. C'est une explication plausible. Plus tard j'ai entendu un commentaire curieux, mais aigu, l'eau de vie aurait la fonction de dilater les vaisseaux sanguins. Afin que le discours me fût plus clair, on m'a illustré cette fonction par rapport à des cas cliniques. Quand il y a un patient avec des problèmes de circulation, on lui ordonne une dose de whisky pour essayer de corriger cette insuffisance. Cette explication m'a semblé logique. L'expérience m'a permis de mieux comprendre la fonction développée par l'eau de vie. Je comprenais aussi que dans les personnes les plus âgées, par exemple, les vaisseaux sanguins dilatés auraient rendu plus rapide l'action de nettoyage de l'aloès et du miel. Dernièrement, d'après des recherches scientifiques, j'ai appris la vraie fonction de l'eau de vie. Pourtant le troisième ingrédient de la potion ne doit pas être employé par hasard ou par caprice. Voilà l'explication, quand on coupe la feuille d'aloès, il en sort un liquide visqueux, verdâtre, filant, amer, riche en propriétés curatives, appelé aloïne. L'organisme humain ne serait pas à même de l'absorber complètement s'il n'était pas fondu dans le distillat. Je veux souligner que les deux premières explications ne sont pas dépourvues de sens. Elles ont, elles aussi, leur importance. La première nous permet de comprendre qu'on peut conserver la crème même au dehors du réfrigérateur, dans l'armoire ou dans le placard, pour qu'il soit loin de la lumière, sans qu'il s'abîme. La seconde met en évidence la fonction vasodilatatrice de l'eau de vie. En ce qui concerne les boissons alcoolisées, cela vaut la peine de dire qu'elles sont toutes aussi efficaces. Eau de vie brésilienne, cachaça, cognac ou whisky, tequila, Mexique, eau de vie, Italie, Bol, Hollande, Arak, Palestine et d'autres pays arabes. Parmi tant d'autres, on n'emploie ni vin ni bière car ils sont fermentés, avec moins de concentration d'alcool, si c'était nécessaire, ils devraient être employés en plus grande quantité. Les liqueurs, de n'importe quelle espèce, doivent être absolument exclus, car elles sont produites à base de sucre. Qu'est-ce l'aloès? R, dans le monde entier elle est connue comme aloès, plante riche en sève médicinale, de la famille des liliacées, aloès sucrotine, aloès humili, aloès perforé, aloès vulgari, aloès arborescent, aloès vrai ou barbadensi, aloès crox, etc., semblable à l'ananas, mais plus petite. Ces feuilles sont épaisses et dentelées. Dès qu'on les touche avec un objet tranchant, elles émettent un liquide visqueux pareil à la bave, baba, en portugais, qui sort de la bouche du bœuf quand il mâche le maïs, les racines de manioc, ou un objet dur. Voilà pourquoi les gens appellent l'aloès babeuse, babosa en portugais, ayant une forte odeur caractéristique, d'une couleur verdâtre, visqueuse. Très amère. Dans les pays de langue espagnole, cette plante est appelée savilla, elle compte, elle aussi, d'innombrables variantes. Le mot aloès dérive de l'arabe. Passant à travers le grec et le latin, de l'arabe il est arrivé jusqu'à nous, pour donner un nom scientifique à la plante. Le sens originel de ce mot, est amer et brillant ou transparent parce que, quand on enlève la peau, le gel qui en sort ressemble à un bloc de glace lavé. Les feuilles de cette plante peuvent varier en grandeur, de 20 à 60 cm, selon la qualité du sol, de la présence ou non de l'eau et de son exposition au soleil. Du centre de la plante sort un rejeton, dont l'extrémité est couverte de fleurs, avec des couleurs qui vont du blanc au jaune, à l'orange, au rouge, d'après les innombrables variétés. Les fleurs s'épanouissent entre la fin de l'automne et le début de l'hiver et elles durent jusqu'à la fin de la saison. L'aloès la plus commune, arborescent, a une fleur orange. Les feuilles grosses, charnues, entrent dans la composition de notre mélange, quand elles arrivent à maturation. Si nous réussissions à soulever un peu la peau verte, c'est-à-dire la partie extérieure, d'une feuille, nous verrions sortir de là une partie charnue, souple, flasque, semblable, dans la couleur, à un glaçon lavé, luisant, aussi transparent qu'un morceau de verre mouillé. Vous êtes-vous fatigué de cette longue description ? L'objectif est celui de faciliter l'identification de la plante. Si on fait recours à la nature pour préparer une tisane, il est indispensable de connaître les plantes. Dans le cas de l'aloès, il existe des centaines, peut-être des milliers de types différents. Est-ce que toutes les plantes d'aloès sont également efficaces ? Quelques-unes davantage, quelques-unes moins ? Est-ce qu'elles contiennent toutes dans la même mesure, le principe actif contre le cancer ? Avec ces doutes à résoudre, quand je suis allé au jardin botanique de Palerme, Sicile, Italie, j'ai jeté un défi à Francesco Maria Raimondo, le directeur, afin qu'il soumette à un examen les 140 types d'aloès existants, avec l'aide d'un botaniste. Il m'a promis de le faire. C'est depuis longtemps que je voudrais trouver la solution de ce cas. La réponse irait tout simplifier. Pensez si tous les types d'aloès étaient également efficaces. 11 N'y aurait plus aucune possibilité d'erreur. Tant qu'il n'y aura pas des données sûres, ni d'expérience valable de confirmation, je continuerai à me servir du type d'aloès, dont tout le monde se sert comme une lotion capillaire, sur l'emploi de laquelle j'ai mûri une expérience considérable. Ce type d'aloès a toujours donné de bons résultats. Y aurait-il d'autres variétés plus puissantes que cette plante ? En existera-t-il un type plus toxique et jusqu'à quel point ? C'est un domaine inexploré, tout est à chercher et à connaître. Juste pour faire un exemple, à la famille des Liliacées appartiennent la yellow onion, que nous employons tous les jours en cuisine. Pourquoi faut-il prendre la potion avant les repas ? R, avant les repas les pepsines, une enzyme du suc gastrique, propre à hydrolyser les protéines, dont la fonction est celle d'aider la digestion de la nourriture, sont prêtes à entrer en fonction. Si l'estomac est vide, elle trouve libre toutes les voies, facilite le fonctionnement du produit, et en rend possible le transport partout dans l'organisme. Il est donc fondamental de prendre le produit avant les repas, lorsque les pepsines sont prêtes à intervenir. Si, au contraire, le produit est pris après le repas, on comprend que les pepsines sont fatiguées à cause du travail soutenu dans la digestion. À ce point elles se rendent ou demandent un repos bien mérité, prendre la potion après le repas, signifierait en mettre à risque l'efficacité. Pourquoi Sœur Maria Zatta et d'autres auteurs, conseillent-ils de cueillir les feuilles de l'aloès le matin, avant l'aube, ou le soir après le coucher ? R, parce que s'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas non plus les rayons ultraviolets, ni les infrarouges nuisibles aux plantes. Un conseil à viser de la religieuse, une mesure prudente qu'on devrait observer à l'égard de toutes les autres plantes, et herbes médicamentales aussi, si on les cueille dans ce but. En particulier, il faut éviter de cueillir l'aloès à la lumière du jour, puisqu'il existe en elle une substance qui réagit au cancer et qui, si on l'expose à la lumière, peut perdre son efficacité de principe actif contre la tumeur. Faut-il éviter de cueillir les feuilles d'aloès immédiatement après la pluie ? R, oui, parce que, à cause de leur porosité, elles absorbent la pluie. Et pour ce produit il n'y a pas besoin, d'ailleurs, de trop d'eau, vu que la plante contient déjà en elle-même 95% d'eau. Il serait suffisant de cueillir les feuilles, une semaine après la dernière pluie. Le procédé devrait être le même, pour les feuilles exposées aux effets de la pollution, près des autoroutes, des égouts ou dans des lieux fermés où l'on fume. Les feuilles de l'aloès, qui ont absorbé des substances toxiques à cause de leur porosité, deviennent absolument inadéquates à la préparation du mélange. Il faut donc éviter de choisir des feuilles mouillées ou à risque de pollution. Quel âge devrait avoir la plante de l'aloès pour être retenue apte à fournir les feuilles nécessaires ? R, une plante de 5 ans est la plante idéale. En cas de nécessité on peut, bien sûr, se servir de plantes plus jeunes. Ce qui est mieux, c'est que les feuilles proviennent, si c'est possible, d'un exemplaire de cet âge. Il y aura des cas où nous devrons nous contenter d'une correspondance équivalente à 95%. Mais essayons de nous en tenir aux instructions indiquées. Une personne atteinte d'un cancer réussit toujours à guérir si elle prend le mélange, selon la formule des trois éléments, comme on l'a précédemment expliqué. R. Quand quelqu'un, malade de cancer, démontré par un diagnostic de médecin, a recours à l'usage de ce mélange, les résultats envisagés sont au nombre de 3. A. Guérison totale de la personne, indépendamment du type de cancer et de son niveau de diffusion, même s'il s'agissait d'un malade en phase terminale. Nous possédons beaucoup de données confirmant tout cela, même s'il peut sembler quelque chose d'extraordinaire et miraculeuse. Quand vous réussirez à comprendre tout le potentiel de l'ALOS, vous conclurez qu'il ne s'agit pas de miracle dans le sens propre du mot, mais de quelque chose qui se trouve dans la nature, créé par Dieu. Nous traiterons ce sujet dans un chapitre à part. Attendez. B. Les examens médicaux révèlent que le mal s'est arrêté, autrement dit, la maladie ne s'est pas diffusée. Naturellement, sans l'emploi de l'ALOS, le cancer aurait inévitablement continué à augmenter. Dans ce cas, au contraire, les valeurs fournies par les examens sont plus ou moins stables par rapport aux précédentes, on n'a rapporté que de petites variations par excès ou par défaut. Je le répète, sans ce traitement, le mal se serait diffusé remarquablement. C. Le traitement n'a donné aucun résultat, au contraire, d'après les examens médicaux, le mal continue à se répandre. Attention, j'ai eu des expériences pour chacune des trois hypothèses. Ne pourrait-on approfondir une fois encore le discours des trois hypothèses? Comment s'en tenir en ce qui concerne surtout les hypothèses B et C, c'est-à-dire quand le but de la guérison du patient n'a pas été atteint, comme il arrive au contraire dans l'hypothèse A? R, quelle belle question. Allons commenter d'une manière adéquate les trois hypothèses. Refa, si tu te trouves dans ces conditions, c'est parfait. Félicitations. Le produit a donné les résultats attendus. Le malade est guéri. Au cas où quelqu'un voudrait préparer un deuxième pot pour prévention, pour assurer et rendre plus sûr la guérison, il ne ferait rien de faux. En tout cas, toi, laisse passer quelques mois, répète la dose et sois optimiste. C'est un conseil prudent que de répéter le traitement dans l'année. Rêve B, tu as obtenu un résultat excellent. Tu es sur la bonne route, il suffit de persévérer. En des termes mathématiques, tu as réussi à obtenir 50% du résultat global. Avec une autre poussée, c'est-à-dire avec une autre dose, tu réussiras à atteindre ton but, la guérison totale. Tu devras répéter la dose, ce qui ne doit pas t'épouvanter. Il est fondamental de répéter la dose, ce qui ne doit pas t'épouvanter. Il est fondamental de répéter la dose. Il faut la répéter autant de fois qu'il est nécessaire pour la guérison définitive. Je confirme que tu ne dois pas commettre l'imprudence de t'arrêter à mi-chemin, si tu te conduis ainsi, tu vas tout perdre. Le cancer, qui semblait vaincu, doublera ses forces et frappera plus violemment. Si tu ne répètes pas la cure, considère-toi comme un homme qui va mourir, si tu ne fais pas la cure, ce sera inévitable. Le cancer est comme le malade. Pendant la maladie, rien ne l'intéresse. Pendant la convalescence, toutefois, après avoir vaincu le mal, l'appétit revient pour récupérer les forces perdues. Essaie de penser avec quelle voracité, le cancer dévorera ton organisme, après le terrain perdu à cause de la cure avec l'ALOS. Or il voudra récupérer. Sous peu de temps, il ira consumer son maître. Un exemple typique de ce cas, est celui de Sœur Marguerite qui avait un cancer au sein. Après avoir pris un pot du mélange, à l'hôpital italien de Haïfa, Israël, comme elle se sentait en bonne condition de santé, elle a repris ses activités, mais elle a oublié de se soumettre aux examens de contrôle, et à n'importe quelle visite spécialisée. Même pas un an après, elle était morte. Sa fiche médicale est très importante pour démontrer que l'arrêt du développement du mal est lié à la répétition des doses, et aussi au suivi médical par des médecins experts. Refc, tu n'as obtenu aucun résultat avec cette cure. Tu ne dois toutefois pas désespérer. Tu sais que tu cohabites avec la bête. Il faut la dompter. Et tu y réussiras, c'est clair. Tu as les armes pour le faire, certes sans peur et avec confiance. Au contraire, c'est là ta seule occasion pour la battre, mais c'est une occasion vraie, concrète, prends un autre pot du produit. Même si ton cas semble grave, très grave, même s'il est en phase terminale, cela n'importe pas. Ne te laisse pas impressionner ni distraire de ce que les autres disent. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tu dois donc lutter pour sauver ta vie, le don le plus précieux que tu possèdes. Le dernier pot terminé, laisse passer une semaine et recommence la cure. S'il faut répéter la dose 2, 3, 4 fois, fais-le. Persévère. Insiste afin de te délivrer du mal. Tu y parviendras. Ne te résigne pas à la maladie, tu es plus fort que la bête. Ton effort personnel, ton envie de vivre ont un allié efficace, l'ALOS. Si tu me permets de te donner un conseil, dont je veux confirmer l'importance, le voici, si après les hypothèses précédentes, après avoir terminé 4 pots du mélange, tu n'atteins pas l'objectif désiré. La guérison est recours à la double dose, c'est-à-dire, au lieu de prendre une cuillerée du produit au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Prends-en deux cuillerées chaque fois. Continue ainsi jusqu'à la guérison. D'ailleurs, derrière ce conseil, il y a la grande expérience de personnes qui pensent la même chose que moi et qui me donnent leur appui. Je sais être atteint par un cancer. J'ai fait le traitement avec l'aloès. Je me porte bien, vraiment bien. Comment pourrais-je savoir si je suis ou pas complètement guéri? C'est très simple. Il suffit de répéter les examens médicaux. Comparant les examens précédents avec les nouveaux, tu pourras t'éclaircir les idées et acquérir la tranquillité dont tu as besoin. Ce système seulement te donnera un résultat sûr. La comparaison des analyses est extrêmement importante. D'abord pour le contrôle de ta situation et pour ta sûreté, puis parce que, d'après les résultats, tu peux considérer si tu as encore besoin ou pas d'un autre pot. L'idéal serait que, avant de commencer à te soigner avec l'aloès, tu connaisses ta situation médicale. Si les examens marquent la présence d'une tumeur maligne, commence par te soigner avec l'aloès. Et quand tu l'auras terminé, répète rigoureusement les examens. Compare-les avec les précédents. Cela fait, tu te retrouveras dans une des trois hypothèses dont on a parlé. Face à elle, tu sais quelles mesures prendre. Ne perds pas ton calme, même si ton cas coïncide avec l'hypothèse C. Si c'est comme ça, tu sais déjà quoi faire. Dans le cas de l'hypothèse B ou C, il faut prendre un autre pot du mélange. Et tu dois insister. Tu parviendras à atteindre ton but, je te le garantis. Grâce à Dieu, je jouis d'une parfaite santé, et je pense ne pas être frappé par un cancer. Mais étant donné l'incidence actuelle de la maladie, je voudrais bien me prémunir contre elle. Comment dois-je me conduire? Que dois-je faire? Prépare le mélange avec les ingrédients, et prends-le avec les mêmes doses d'une personne atteinte du cancer. Puisqu'heureusement tu sais ne pas avoir de cancer, il n'y a pas besoin de répéter la dose, comme un malade le ferait. Si tu suis cette cure une fois par an, tu auras la certitude de toujours éloigner le cancer de toi. La cure, faite au moins une fois par an, permettra à ton organisme d'être toujours sain, purifiera ton sang. Et dans ces conditions-là, on ne prend pas de cancer, tu peux y croire. Mais enfin, qu'est-ce que le cancer? Le cancer est une maladie qui existe depuis toujours, bien qu'il se produise aujourd'hui, avec une incidence plus vaste, dirais-je alarmante, si bien qu'elle fait partie de la routine de l'homme moderne. Cette maladie détruit les cellules de l'organisme, en le détériorant inexorablement, si l'on ne pourvoit en temps voulu, à cause de leur manque de quelques substances et surchargé par d'autres, à leur tour, malades aussi, subissent un collapsus et entrent en conflit avec les cellules saines. Quelque temps après, cette lutte affaiblit l'organisme, étant donné la prépondérance des cellules malades. Au début, il se peut qu'on ne ressente pas de douleur, mais la tumeur se forme lentement, et elle développe des substances toxiques, qui attaquent avec violence et impétuosité les cellules saines, jusqu'à ce que l'organisme ne résiste plus à la lutte. À ce moment-là, tu seras fatalement atteint d'un cancer, ce mal qui peut se présenter avec d'innombrables variantes dans toutes les parties du corps, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Le cancer est la manifestation de l'incroyable intelligence, et de la capacité d'adaptation et de défense de l'organisme. Nous pourrions comparer la manifestation du cancer au nettoyage, qu'on fait dans un milieu, une maison, une pièce. Après avoir balayé par terre, on ramasse la saleté, c'est-à-dire, ce qui est à jeter. On jette le tout dans les poubelles utilisées pour ne pas polluer. De la même manière, l'organisme se libère de ce qui est en surplus intérieurement et, par un grand effort, il cherche à se libérer de tout ce qui lui est nuisible. Et c'est le moment où la tumeur éclate ou se manifeste dans une partie du corps. C'est comme un volcan. Un beau jour, du sous-sol, la chaleur éclate à l'extérieur, car il n'existe aucune manière d'arrêter cette explosion de violence, à cause de la haute température. Ainsi l'organisme, sagement, ramasse les toxines et les entasse dans un certain organe, cherchant à sauver le reste du corps. La médecine orthodoxe, en ce qui concerne les maladies dégénératives, sida, cancer, sclérose, dystrophie, etc., continue à imposer et proposer, comme thérapie, une intervention violente, opérée égale à couper, chaque fois où le mal est un mal localisé. Elle cherche ensuite à fermer la blessure par la radiothérapie, la chimiothérapie et d'autres applications semblables, comme s'il existait une preuve que, en enlevant l'organe malade, le patient devrait guérir comme par enchantement. Normalement il arrive que, le foyer arraché, la marche inévitable du patient vers la mort continue. Il n'y a donc aucune guérison, si bien que le cancer attaquera quelque autre part, et le malade entrera en métastase. La fin est imminente. Cette formule se propose de récupérer l'organisme malade, en le purifiant. Elle fortifie le système immunologique affaibli au cours des années par quelques formes de conflits physiques, psychiques ou spirituels. Dans le chapitre sur les vertus, ou les propriétés de l'aloès, nous verrons comment elle aide l'organisme affaibli. Quelles seraient alors les causes du cancer? 2. 1. Le cancer naît des altérations de l'état physique. L'homme vit dans des milieux de plus en plus pollués, la pollution se manifeste dans la qualité toujours plus mauvaise des aliments, des boissons, de l'air, nous pouvons citer Tchernobyl, les explosions atomiques, le trou de l'ozone, les pesticides, les produits pour conserver les aliments, les voitures etc. 2 degrés, le cancer est causé par pollution psychique. De grands chocs émotionnels, comme l'enlèvement d'un fils unique, le manque de motivation pour vivre, l'infidélité du conjoint, la séparation des parents pour les fils adolescents, la perte d'un cher ami, la faillite dans un projet de vie ou dans une affaire, excès de travail, des préoccupations constantes, la perte d'un grand amour, etc. 3 degrés, le cancer peut être causé par pollution spirituelle, et par des scrupules de conscience. On affirme frivolement, un péché de plus, un péché de moins, cela ne fait pas la différence. Bien sûr qu'il y a une différence. Comment peut-elle avoir sa conscience tranquille? Par exemple, la personne qui provoque un avortement ou celle qui a tué son fils? La haine, l'envie, la colère et la soif de vengeance usent l'être humain. Nous apprenons que le corps humain est constitué d'âme et de corps. Concile de Trente, aujourd'hui on peut ajouter raisonnablement un troisième élément, c'est-à-dire l'esprit. Ce sont trois éléments présents dans un seul être, ainsi que Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes distinctes, constituent un seul Dieu. Nous savons que si un élément entre en conflit ou subit des dommages, les autres en subissent les conséquences, ainsi que, dans une autre situation, il jouirait d'éventuels bienfaits. Les trois éléments sont reliés. L'homme tombe malade parce qu'il est pollué physiquement, psychiquement ou spirituellement. Pour le guérir, il est nécessaire de rétablir le système immunologique tellement affaibli à risquer l'effondrement. Ma formule se propose de réaliser cette récupération. Une véritable entreprise. Ma recette fait un nettoyage. Tord l'éponge qui a absorbé tant de toxines, en cherchant pour elle une soupape d'épanchement. Sans intervenir par la chirurgie, l'intervention de nettoyage de tout l'organisme est effectuée par voie naturelle. Quels symptômes présente la personne atteinte d'un cancer? Peut-on prévoir ce type de maladie? R. Laissons parler un spécialiste, le docteur Mario Henri Cosané, oncologue et chirurgien à l'hôpital Santa Rita, centre hospitalier de la Santa Casa, de Porto Alegre. Il existe des altérations des conditions physiques de la personne, qui ne sont nécessairement pas un symptôme de la présence d'une tumeur. Il faut toutefois s'en remettre aux mains d'un spécialiste, afin qu'il cherche à connaître les causes de ces altérations. En voilà les principales, blessures qui ne cicatrisent pas, boutons partout sur le corps, nodules ou durcissements, changement de couleur, variation de grandeur, perte de sang, prurite ou douleur dans des points spécifiques, névus, blessures ou verrues, dents fragiles ou cassées, difficulté à uriner ou à avaler, amaigrissement sans cause apparente, perte de sang de la bouche, du nez et du vagin, après les rapports sexuels ou après la ménopause, du sang dans les urines, dans les fesses ou dans le catarrhe, altération de la voix, enrhume permanent. Voix vivre mieux, dans le journal Hora Zero, de Porto Alegre du 11 janvier 1996, face à ces symptômes, adresse-toi à ton médecin de confiance. Et en te servant d'un pot d'aloès pour te soigner préventivement, tu verras que tout se passera bien. Quel type de cancer, ce produit peut-il guérir? R. Comme ce produit réalise un nettoyage total de l'organisme, il est facile de comprendre que ce traitement peut vraiment guérir n'importe quel type de cancer. Il peut sembler que je sois en train d'avoir la main lourde, mais ce n'est pas vrai. Si cela te semble impossible, cherche à raisonner avec moi. Si le cancer est causé par les impuretés les plus différentes que nous faisons entrer dans notre organisme, il est évident que le nettoyage réalisé avec l'aloès sera la garantie d'un sang renouvelé, renforcera le système immunitaire en crise et redonnera automatiquement la santé. Nous avons des nouvelles de guérison effectuées dans les plus différentes parties du monde, dans les 5 continents, avec des patients malades de cancer localisés au 1. Cerveau 2. Cervelet 3. Poumon 4. Foie 5. Prostate 6. Utérus 7. Ovaire 8. Trompe 9. Sein 10. Gorge 11. Colonne vertébrale 12. Os. 13. Peau. 14. Intestin. 15. Rectum. 16. Vessie. 17. Système lymphatique. 19. Rein, etc. Je pourrais fournir nom, adresse et numéro de téléphone des personnes guéries, avec ma formule simple, économique, naïve. Je ne peux pour une question éthique. Il y a des personnes qui n'acceptent pas le fait d'avoir été malade de cancer. Quelques-unes évitent même de prononcer le mot cancer, en le substituant avec mauvaise maladie, mauvaise parce qu'elle porte fatalement à la mort de celui qui en est victime. Cette susceptibilité doit être respectée. D'après vous, le cancer peut-il être transmis? En d'autres mots, plus simple, peut-on passer la maladie à une autre personne? R. Les opinions des spécialistes sont discordantes. Tant que l'on ne nous fournira pas d'éclaircissement à ce propos, la question reste ouverte du point de vue scientifique. Ici l'argument peut être abordé, seulement, à titre de curiosité. Je vais vous proposer alors une explication, celle qui me semble la plus logique. À mon avis, on ne peut pas transmettre le cancer, sur quelles données me suis-je fondé pour arriver à cette conclusion? Il suffit de raisonner un peu. Maintenant le sang et l'organisme dans de bonnes conditions, la contagion ne peut pas se produire. C'est évident que notre alimentation incorrecte, les abus, peuvent nous prédisposer à la maladie, puisque la tendance des fils est celle d'imiter ses propres parents, dans les vertus ainsi que dans les défauts. Si on purifie régulièrement l'organisme, comment se peut-il que le cancer, ou n'importe quelle autre maladie, se cache dans un organisme sain? Le secret est, pourtant, celui de maintenir l'organisme toujours propre. Ne te préoccupe pas si tu dois faire une visite à une personne malade de cancer. Elle ne te passera pas la maladie. Si le cancer était contagieux, aucun médecin, infirmier ou employé à l'hôpital du cancer n'en serait libre. Fais-moi confiance, le cancer ne peut pas être transmis, surtout à un organisme sain. Au cas où une personne malade de cancer serait en train de se soigner avec la radiothérapie, la chimiothérapie ou d'autres semblables, et qu'elle ait l'intention de se soumettre à une intervention chirurgicale, en prenant des remèdes que le médecin lui a prescrits, l'ingestion de ce produit à base d'aloès, miel et eau-de-vie comporte-t-elle quelques inconvénients? R. Si la personne suit un traitement traditionnel, prescrit par son médecin, elle peut bien sûr prendre aussi ce produit. Au contraire, j'ai le témoignage de patients qui, ayant pris une dose d'aloès avant de se soumettre à la chimiothérapie, en ont mieux supporté les effets désagréables, perte des cheveux, parfois, même des dents, fièvre, vomissements, diarrhée, nausées. Des personnes n'ont même pas perdu les cheveux. D'autres ont eu, seulement, un peu de nausée, pendant quelques heures, mais sans fièvre. D'autres encore se sont passés de faire recours à la cortisone et à la morphine après une seule semaine de traitement avec l'aloès. Si une personne est en train de prendre des remèdes homéopathiques, il n'est pas nécessaire de suspendre la cure, qu'on ajoute la cure avec l'aloès. Pour une raison de cohérence personnelle, et de respect envers l'opinion ou d'autrui, je ne conseille pas aux malades d'abandonner la cure traditionnelle en faveur de notre méthode. J'ai en très haute estime la liberté de l'être humain et de ses choix, car la liberté est son plus grand don. Il doit s'en servir comme mieux il croit, selon sa conscience, pour son propre bien-être, pour le bien de sa santé aussi. Cela vaut la peine de répéter, que la cure ici proposée est simple, naturelle, économique. N'importe qui peut y avoir mœurs, et peut résoudre son problème. Si la cure réussit, la personne reprend sa vie normale, complètement guérie, sans mutilation, même dans le cas d'un cancer terminal. Les examens médicaux donneront la garantie de la parfaite guérison. Que la science et la médecine, avec leurs immenses possibilités en termes de recherche, ouvrent les portes à des expériences plus honnêtes, afin que l'humanité voit résolu le grave problème du cancer. Est-ce que la science ne veut pas avoir résolu ce problème? Peut-être vaut-il mieux que la solution continue à rester cachée, parce qu'il y a des intérêts plus grands à sauvegarder? S'il en est ainsi, il s'agit alors de mafia, et la mafia doit être dévoilée, afin que les hommes se débarrassent de sa haine diabolique. Je ne suis pas en train de jeter un défi. Au contraire, je propose l'union de toutes les forces, afin de résoudre ce problème une fois pour toutes. Ce ne sera pas qu'une tâche exclusive de la médecine. Elle devra travailler à côté d'autres disciplines scientifiques, c'est-à-dire qu'il faut travailler sous une optique interdisciplinaire pour s'adresser à l'être humain dans toute sa complexité. N'importe quelle contribution, même si simple, doit être prise en considération lors qu'il s'agit du bien global de la personne. Dans votre expérience, y a-t-il eu des cas de personnes malades de cancer qui sont mortes après avoir suivi la cure proposée dans ce livre, ou pour mieux dire, comment une personne peut-elle mourir à cause de cette maladie tout en ayant suivi la cure proposée, considérée efficace? R. 2. On s'est déjà arrivé qu'une personne ait suivi ma cure et soit morte, d'un cancer précisément. Je peux donner quelques explications plausibles à ce propos. 1 degré, elle n'a pas bien sélectionné les ingrédients. Par exemple, elle a employé du miel artificiel, comme s'il était naturel, l'achetant dans n'importe quel magasin. 2 degrés, elle n'a pas su bien choisir la plante. 3 degrés, elle a employé des feuilles peu vertes, jaunâtres, presque sèches. 4 degrés, elle a employé des feuilles trop jeunes. 5 degrés, elle n'a pas pris le produit selon le dosage prescrit. 6 degrés, après avoir terminé le premier pot, régulièrement pris, s'étant vérifié les hypothèses B ou C, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire, guérison incomplète ou absente, elle a suspendu la cure et ne s'est plus soumise aux examens de contrôle. 7 degrés, elle a interrompu la cure après quelques jours, n'ayant plus de confiance en ce produit. Elle s'est convaincue que ce n'était qu'un sirop, comme tant d'autres, et qui n'aurait produit aucun résultat. 8 degrés, elle a oublié le pot dans le réfrigérateur. 9 degrés, elle a pris le produit seulement quelques fois, quand elle s'en est souvenue. 10 degrés, quelques causes de genre inconnues. Pourquoi faut-il enlever les épines de la partie supérieure de la feuille avant de la broyer avec le miel et l'eau de vie? R. Il pourrait arriver que le mixeur ne broie pas bien toutes les épines. Une épine, avalée avec le mélange, peut provoquer des lésions à la bouche, à la gorge, à l'estomac. Ce n'est qu'une précaution pour éviter ces accidents. Rien d'autre. Si je connaissais un robot plus puissant que le mixeur, je n'aurais aucun doute pour broyer les épines aussi, vu qu'elles aussi possèdent des propriétés curatives. Quant aux épines, il faut les enlever d'une main légère, sans arriver à trop creuser la feuille. Il suffit de racler ou de couper légèrement en déplaçant le couteau du haut en bas. Vlan. Et tout est prêt. Ce produit à base de miel, à l'anis et eau de vie serait-il le responsable unique et direct de la guérison du cancer et d'autres maladies? Combien la prière, la foi et les qualités personnelles de celui prépare le mélange, sont-elles importantes? R. Je crois que la foi et la prière, en elles-mêmes, peuvent guérir n'importe quelle maladie, vu que Jésus a dit que la foi, aussi petite qu'un grain de moutarde, qui est le plus petit des grains, peut déplacer des montagnes. Il est évident que nous ne voulons pas faire croire que la prière de n'importe quelle nature faite par une personne de n'importe quelle croyance religieuse n'est pas de valeur. Certes qu'elle en a, et très grande, aussi. La prière faite avec foi est efficace. Toutefois, les ingrédients susmentionnés, pris de mère nature, créés par Dieu, disposent de caractéristiques curatives à même de réaliser le miracle, pour ceux qui y ont recours. Si la cure est accompagnée de la prière et de la volonté de guérir du patient, ainsi que de son esprit de collaboration, tout cela sera d'une grande aide, sûrement, au niveau psychologique. C'est vrai le contraire aussi. Et non seulement dans le cas de traitement du cancer, dans toute maladie, la collaboration et l'aide du patient sont fondamentales pour la guérison. Le jour viendra où l'on démontrera par des tests réalisés dans les laboratoires que le miracle doit être attribué uniquement à ce mélange, non pas à une bénédiction ou à une force positive que possède celui qui le prépare. Le succès de cette cure n'a rien à faire avec les invocations et les sorcelleries pratiquées par les guérisseurs, rien à faire avec l'eau bénite, avec Fatima, avec Lourdes, avec la Sainte Vierge, avec Guadeloupe, avec... Mais nous ne voulons pas que faire un beau discours et à ce propos le lecteur doit s'armer de patience et suivre avec calme ce qui est devenu à la portée de tout le monde, la connaissance des propriétés curatives de cette merveille de la nature, l'aloès, ce sera l'argument d'un chapitre à part. Celui qui n'est pas intéressé ne doit pas le lire, et doit se rapporter au chapitre suivant, ce sera un chapitre apte à satisfaire cette curiosité. Pourquoi faut-il nettoyer les feuilles avant la préparation? Comme elle est exposée aux intempéries, la plante entasse de la poussière et d'autres saletés. Il suffit de nettoyer la superficie des feuilles avec un chiffon sec ou humide, ou avec une éponge. Il faut éviter de les laver, parce que l'emploi de l'eau n'est pas prévu dans la préparation de ce produit. Il faut éviter que l'eau pénètre dans les feuilles. Tant mieux, s'il y a très peu d'eau sur les feuilles. On l'a déjà dit, on conseille de cueillir l'aloès, pour un emploi curatif, une semaine après la dernière pluie. C'est à ce propos qu'on répète le conseil d'enlever la poussière avec un chiffon humide ou avec une éponge, sans se servir d'eau. Est-ce qu'on observe des effets particuliers, ou des inconvénients de quelque genre pour l'organisme de celui qui a fait, ou est en train de faire le traitement avec l'aloès? S'il y a quelque chose constituant un problème à l'intérieur de l'organisme, d'une manière ou de l'autre ce corps étranger devra être expulsé. La nature est sage, elle peut réagir de la façon la plus surprenante et la plus inimaginable. J'ai des informations de personnes ayant pris ce mélange et qui ont eu les réactions suivantes. 1. Aucun changement ni aucune réaction. 2. A. Sur la peau, à travers les pores. A. Prurie dans tout le corps. B. Boutons, abcès, tumeurs. C. Éruptions cutanées, comme la varicelle. D. Ampoules, même sur le creux des mains ou sous les pieds. 2. B. Par les fesses. A. Troubles intestinaux, diarrhée, B. Fessayant une odeur plus forte que d'habitude, C. Flatulence, gaz, puante. 2. C. Par l'urine, A. On urine plus fréquemment, B. Urine plus sombre, presque marron, C. Urine ressemblant à du sang mélangé avec de l'eau. 3. Autre phénomène, A. Vomissement, B. Parfois un coup de vomissement avec du pus et du sang purulent, C. Ouverture de 3 orifices sous le menton dans les personnes atteintes d'un cancer à la gorge d'où sort une matière purulente en grande quantité, D. Perte de pus des doigts des mains et des pieds, ou bien du gros orteil seulement, mais il guérit tout seul, sans recours à des médicaments, A. Douleur générale, pas toujours localisée, surtout au ventre. Je voudrais répéter que ces indispositions ou gênes, toutefois, ne durent que 2, 3, 4 jours au maximum, et qu'ils sont toujours suivis d'une sensation de bien-être, et d'une bonne disposition envers tout, comme dans un état de convalescence. L'attitude avec laquelle on affronte ses ennuis est importante, il ne faut pas suspendre la cure. Tu dois être convaincu que tu es sur la bonne route, c'est-à-dire que les toxines ont trouvé leur voie d'issue, elles s'en sont allées. Tu as trouvé la voie de la guérison. Maintenant tu ne dois qu'insister, continuer. Suspendre la cure, ce sera comme tout perdre. En ce qui concerne surtout le cancer, tu connais déjà l'orientation la plus adéquate, exposée d'une façon exhaustive dans les pages précédentes. Est-il possible d'énumérer les effets positifs pendant la cure? Ne parlons plus des cas de guérison du cancer, car il me semble que ce sujet a été largement développé. Parlons des guérisons réalisées dans les personnes qui ont pris le produit, comme prévention puisqu'elles ne se considéraient pas malades de cancer. La composition des éléments et les quantités employées reflètent fidèlement la recette que nous connaissons très bien, comme s'il s'agissait d'une personne atteinte d'un cancer. Même discours pour les doses. Ce traitement a guéri ou a résolu des problèmes concernant 1. Aigreur d'estomac. 2. Gastrite. 3. Ulcère. 4. Conjonctivite. 5. Rougissement. 6. Callosité. 7. Boutons sur la peau. 8. Petite blessure sur le cuir chevelu. 9. Pellicule. 10. Rhumatisme. 11. Arthrite. 12. Polype de l'intestin. 13. Polype d'utérus. 14. Stimulation de l'appétit. 15. Cheveux plus subtils et soyeux. 16. Régulation des menstruations chez des personnes ayant des problèmes d'irrégularité du cycle dès l'adolescence. 17. Il a résolu le problème de ceux qui souffraient de sueurs nocturnes, en hiver ou en été. 18. Meilleurs acquittements sexuels chez les quadragénaires. 19. Plus de souffle aux personnes ayant l'asthme. 20. Il a guéri de la paralysie. 21. Il a guéri de la surdité. 22. Règlement de l'intestin, en éliminant le problème des constipations. 23. Élimination des fongus. 24. 2. Normalisation du cholestérol. 25. Régulation de la tension artérielle. 26. Guérison de la maladie de Parkinson. 27. Résolution du problème de la calvitie. 28. Guérison de la sinusite. 29. Guérison du lupus. 30. Guérison de l'herpès sur les lèvres vaginales ou sur le gland. 31. Guérison du psoriasis. 32. Guérison de l'épilepsie. 33. Guérison du pied de l'athlète. 34. 3. Régénération d'un ongle atrophié, qui n'était rien d'autre qu'un cartilage. Renforcement de l'ongle. 35. Il a évité l'intervention chirurgicale dans des cas de cancer de la prostate chez des hommes risquant l'opération. 36. Il a évité la chirurgie dans des cas de cancer à la vessie. 37. Élimination d'acné persistante. 38. Élimination du catarrhe, en facilitant l'expectoration. 39. Résolution du problème de la mauvaise digestion. 40. Amélioration de la mauvaise haleine. 41. Guérison des ulcères varicœux. 42. Guérison des ulcères de la rétine. 43. Après l'ingestion de 4 pots, guérison de la toxoplasmose, virus du chat, de l'œil. 44. Récupération de l'odorat chez des personnes qui l'avaient perdu depuis longtemps. Quels sont les effets curatifs de l'aloès employée toute seule simplement comme plante? Toutes les guérisons sous-exposées ont été confirmées par l'expérience. 1. Fongu. 2. Pieds de l'athlète. 3. Callosité en 24 heures. 4. Fistules sur la gencive, à forme d'un canal étroit et profond. 5. Tumeurs entre les doigts des pieds. 6. Abcès. 7. Lutte contre les pellicules, en fortifiant le cuir chevelu, c'est un tonique pour les cheveux. 8. Piqûres d'insectes, moustiques, abeilles, guêpes, araignées, etc. 9. Brûlures à cause d'accidents domestiques. 10. Brûlures des rayons X. 11. Petites coupures causées par des accidents domestiques, au pouvoir cicatrisant. 12. Antitétanos. 13. Eczéma. 14. Érysipèl. 15. Ophtalmie. 16. Employée comme suppositoire, elle a guéri des hémorroïdes. 17. Délayée dans l'eau, elle sert pour la décongestion du foie. 18. Elle purifie l'air d'une pièce polluée par la fumée. 19. Elle réagit bien dans des cas d'anémie. 20. Constipation, elle régit les fonctions de l'intestin. 21. Rhumatisme. 22. Elle cicatrise les ulcères de la rétine, ou de toute autre blessure de l'œil. 23. Elle rejette les verrues. 24. Efficace dans la lutte contre l'acné. 25. Efficace dans la lutte contre les oxures. 26. Délayée dans l'eau, elle guérit des aigreurs d'estomac, de gastrite, d'ulcères peptiques. Dans toutes les expériences ou dans la plupart des cas mentionnés, l'aloès sera employé localement, à usage extérieur. On peut utiliser le contenu gélatineux de la partie intérieure de la feuille ou bien on peut la broyer, en filtrant la poudre de la peau et des épines. Il faut faire l'application avec une seringue, un compte-goutte ou un flocon de coton, ou une gaze trempée dans le mélange, là où le problème existe. Si tout ce qu'on a écrit pour répondre aux deux dernières questions semble au lecteur une exagération, il doit avoir la patience de suivre la liste des maladies qui ont été vaincues aux États-Unis, aux pages 40-41 du livre La guérison silencieuse, une étude moderne de l'aloès vrai, de Bisekoa, RPH avec Robert Aola. Dans ses études et dans ses rapports soignés sur l'aloès vrai, l'auteur Carole Millecan expose une longue liste de toutes les maladies que l'aloès vrai ou barbadancier a guéries. La voici, une vaste quantité de maladies de la peau, y compris des brûlures solaires et des rayons X, ulcères, pustules, exanthèmes, prurites, abrasions, piqûres de guêpes, d'abeilles, de moustiques, plantes vénéneuses, réactions allergiques, éruptions et rougissements de la peau chez les enfants, lèvres et peaux gercées, pellicules, eczéma, dermatite, impétigo, psoriasis, urticaire, blessures sur le corps, rougissement de la peau due à la chaleur. Cancer de la peau, herpès zostérien, gerçures sur les mamelons des accouchés, ongles incarnés, acné, taches marron ou blanches sur la peau, taches du foie ou chloresme, taches congénitales, fibromes, coupures, contusions, déchirures, lésions sèches ou humides, ulcères chroniques, abcès, herpès simple, de la bouche et des lèvres, irritation de la bouche et de la gorge, gingivite. Amygdalite, infection de staphylocoque, conjonctivite, orgelet, ulcère de la cornée, cataracte. Perforation du tympan, mycose, fongus en général, prurite anale et de la vulve. Infection vaginale, blessure vénérienne, crampes des muscles, entorse, tumeur, bursite, tendinite, perte des cheveux. Utilisé à l'intérieur, on dit que l'aloès vrai lénifie le mal à la tête, l'insomnie, le manque d'air, les désordres de l'estomac, l'indigestion, l'acidité, la gastrite, l'ulcère peptique et duodénal, la colite, les hémorroïdes, les infections urinaires, la prostatite, les fistules, les kystes enflammés, le diabète, l'hypertension, les rhumatismes et l'arthrose, les oxyurées, d'autres parasites, soigne la stérilité causée par l'aménorrhée. Optimise tout déséquilibre causé ou aggravé par un excès de sucre et de substances acides. Même un regard rapide à la liste nous fait penser à d'autres maladies, comme les ulcères ventriculaires, diverticules, sédiments des poumons, sinusite, trichome, sclérodermie, infection de protée et de morsure de serpent. Nous pouvons ajouter que l'aloès vrai est un déodorant parfait, une excellente lotion après rasage, nettoie les métaux et conserve le vernis du cuir, et encore, comme si cela n'était pas suffisant, c'est une liqueur très savoureuse. J'ai transcrit, soigneusement, cette longue liste de l'auteur américain seulement parce que, au Brésil, un chercheur ne fait jamais rien d'important, tout ce qui est important doit nécessairement venir de l'étranger, des Américains, des Japonais, des Allemands. Autrement dit, nomo propheta in patria. Et la liste de l'auteur américain confirme tous les résultats que nous avons obtenus avec l'aide de l'aloès. Comment avez-vous réussi à réaliser toutes ces expériences? R. Puis-je le raconter? J'espère ne pas gêner. Si ce sujet ne t'intéresse pas, avance. Avant tout, je voudrais expliquer ce que j'entends par le mot expérience. Par expérience, j'entends simplement ce bagage de connaissances mûries quand j'assistais les malades. Une expérience donc née d'une observation attentive et prolongée, dans laquelle il n'y a jamais eu de place pour des attitudes opportunistes d'exploitation du malade en qualité de cobaye, afin de pouvoir apprendre davantage, je n'ai voulu qu'aider. Nommé curé de Pouso Novo, une petite paroisse de banlieue, entre la Geado et Soledad, Rio Grande do Sul, j'ai appris poussé par les nécessités. Le petit pays, à peine émancipé, est arrosé à droite et à gauche, par les fleuves Fao et Forqueta, dont les eaux se jettent dans le fleuve Tacari. Au bord des cours d'eau, dans les parties les plus irrégulières, il existe des étendues de terre appelées par les gens terres du gouvernement, sans certificat de propriété ou de quelque chose d'autre. Vers ces lieux se dirigent des familles pauvres, exclues des autres centres, chacune avec sa propre histoire, pour la plupart, victimes de l'ambition des plus forts. Le sens de la fatalité, le manque de culture, le découragement, la paresse, toutes choses mises en relation, sont des indices de la dégradation générale, c'est-à-dire de la sous-nourriture, du manque d'hygiène, du manque d'école. L'analphabétisme est une plaie qui se transmet de père en fils, à travers les générations, dès la découverte du Brésil, quand une marée d'hommes et de femmes, rebuts de la société, furent emmenés là-bas du Portugal, sans que les colonisateurs se soucient de la destinée de la colonie, mais bien décidés seulement à l'exploiter jusqu'au bout. Ce n'est qu'après l'indépendance que le Brésil a ouvert sa première université. Résultat de cette situation, des enfants à n'en plus finir ayant pu oxyurer d'autres parasites, et exposés à des maladies, et des épidémies de tous les types. Après avoir observé cette réalité pendant 6 mois, gênante et sans perspective de changement à l'intérieur des paramètres traditionnels, j'ai pris l'initiative d'aider ces personnes exclues de la société, eux aussi sont fils de Dieu, non seulement en célébrant la messe à l'occasion de la visite à la chapelle ou à l'école, pour les abandonner tout de suite après à leur destinée, mais promouvant aussi, au-delà de la partie spirituelle, qui aspire à la vie éternelle, toutes les autres valeurs personnelles de l'homme, en tant qu'habitant de cette planète. Incapable d'agir tout seul, j'ai demandé l'aide de personnes de bonne volonté, également sensibles à ces problèmes, mais face à leur complexité, elles aussi se sont reconnues impuissantes. On devrait unir les forces avec urgence, l'union des énergies vitales et chacun, en offrant ce qu'il peut, contribuerait certainement à vaincre le mal. Avec un projet griffonné sur un morceau de papier, dans la poche de mon gilet, j'ai convoqué les responsables de différents secteurs, paroisse, secrétariat du département de l'éducation et de la culture, secrétariat du travail et de l'action sociale, légion brésilienne d'assistance, EMATE, mairie. Tous ont répondu à l'appel, sauf la LBA. Après l'exposition du projet, avant sa mise en œuvre, on a donné une polycopie à tous les participants, et on a laissé à chacun le temps suffisant pour l'examiner et le juger. Dans une seconde rencontre, on a discuté et enfin élaboré le projet avec quelques amendements. Chacun, s'étant rendu disponible à la formation d'un groupe de travail, a eu une charge liée à son secteur particulier. Il s'agit d'un groupe qui a rendu praticable le service bénévole, sans percevoir aucune rémunération matérielle, mais ayant le but de promouvoir l'être humain, et de chercher de l'intégrer dans la communauté. Au lieu de faire venir les gens intéressés dans notre siège, nous avons décidé d'aller à leur rencontre, étant donné que, à cause de leurs conditions sociales, ils étaient très timides. Là, on a tenu des conférences. Toutes les communautés, plus ou moins besogneuses, ont été impliquées dans le projet, sans blesser la susceptibilité de celles qui étaient plus dépourvues. La réponse a dépassé les attentes. Pendant notre première visite aux communautés, on a développé les thèmes suivants. 1 degré. Dieu crée l'homme pour le bonheur. Dieu ne veut pas la souffrance de l'homme, au contraire, c'est l'homme qui cherche le chemin de la souffrance, vit avec elle par ignorance, par illusion, je ne le sais pas. Dans la plupart des cas, les instruments, pour éliminer cette souffrance ou l'atténuer, sont à sa portée. Pour expliquer ces affirmations, on s'est servi des textes de la Bible. C'est justement le Fils de Dieu, devenu homme, Jésus-Christ, qui, pendant son court passage dans le monde, s'est engagé à calmer la souffrance des hommes de son temps. Exposition de la part du curé. Durée 10-15 minutes, le même temps pour les autres sujets. 2 degrés. Dans un sens général, la santé est un don. Nous devons la bien garder, nous en soucier. Habituellement nous l'endommageons, en mangeant et en buvant d'une manière inadéquate. Comment doit-elle être une alimentation bien équilibrée? De quel et de combien de vitamines et de protéines a besoin l'organisme humain, pour bien vivre, et où les chercher? Rapport d'analyse Pacea et de Sandra Ingeno. Elles ont insisté sur l'utilité du jardin potager et ses avantages pratiques. Elles ont transformé la cour et les alentours de l'école dans une pépinière, et le secrétariat dans un distributeur de pépins, où chaque élève pouvait se munir de pépins pour cultiver le potager de sa propre famille. Tout a été très simple. Les élèves, ravis de la nouveauté de leur école, répétaient chez eux la valeur de la nourriture, la possibilité de diversifier la préparation des plats et des saveurs. Par conséquent, la quantité d'usage des types de viande les plus différents a remarquablement diminué. À la viande, aliment très coûteux, on a préféré les légumes, plus économiques et ayant une plus grande valeur nutritive. Résultat, après les 6 premiers mois d'expérimentation, on pouvait observer un coloris plus sain chez les enfants, plus de vigueur et un meilleur rendement scolaire. 3 degrés. Avec une bonne alimentation, l'hygiène aussi est indispensable pour garantir une bonne santé. Le premier élément est l'eau. Nettoyage régulier et constant des puits et des réservoirs, qui doivent être placés en haut, sur les tables, loin des cabinets de toilette, de la maison, séparés des améliorations éventuelles des structures. Se servir des excréments des animaux comme engrais. En suivant ces règles fondamentales, quelles maladies peuvent surgir? Ce rapport, enrichi de matériel explicatif pédagogique, a été fait par Marie Mutoni. 4 degrés. Une menace pour la santé vient aussi des pesticides. Achat, stockage, usage correct, élimination des emballages de la part du groupe de la MAT, Georges Lavarda, sa femme Gladys et Carlos Bianchini. En revenant à ce qu'on a dit tout à l'heure, après le premier cycle de conférences, et une vérification du travail fait, le groupe a été satisfait du résultat. Conclusion unanime, le travail commencé ne doit pas être interrompu. Le groupe avait encore beaucoup à offrir, et les gens étaient encore très besogneux. À la maison, dans un échange d'idées avec les participants, on a choisi le deuxième sujet, maladies et recettes de cure. Les mêmes composants du groupe se sont rendus disponibles pour continuer le travail en allant même dans les communautés, puisque les gens ne seraient pas venus jusqu'au centre pour les conférences. Le groupe a adopté une dynamique capable de favoriser l'échange de connaissances entre les rapporteurs et l'Assemblée. Parmi les auditeurs, il y avait des personnes qui connaissaient herbes et plantes pour tisane, leur but et leur dosage. L'objectif était aussi celui d'encourager les personnes les plus timides à parler en public. Ensuite, dans notre siège, le groupe consultait la bibliographie existante pour confirmer si la recette avait un fondement scientifique, ainsi qu'on l'avait dit pendant notre rencontre. En cas positif, elle faisait aussitôt partie du tas de recettes du groupe. On a beaucoup appris, cette deuxième étape a été productive pour tous les participants au groupe. Dans ce deuxième cycle, avec maladies et recettes de cure, nous avons énuméré une série de maladies telles que cancer, acidité, gastrite, ulcère, rhumatisme, etc., et le moyen pour les combattre, outre à la lutte contre les poux et les oxures largement diffusées dans les familles les plus abandonnées. Les remèdes pour vaincre ces maladies étaient exclusivement recherchés dans les herbes et les plantes existant en abondance dans cette région. Le motif de ce choix s'explique par le fait que les très pauvres, la visite médicale très coûteuse, presque prohibitif pour les disponibilités économiques de la famille, sick, et que le prix du remède à la pharmacie est un poids insoutenable. Dans peu de temps, en utilisant les herbes et les plantes, nous avons réussi à réduire les visites médicales à 90% en trouvant des solutions domestiques pour les symptômes des maladies les plus communes. Les remèdes, à partir de la fameuse aspirine, attention à ses effets collatéraux, étaient fabriqués par les familles sous forme de tisane, puisqu'elles avaient à se servir d'herbes et de plantes différentes et elles en avaient compris la valeur thérapeutique. La nouvelle du transfert du curé en Israël, à la fin de 1990, et confirmée en mai 1991, a démembré le groupe qui, réduit à deux éléments, Marie Mutoni et Gladys Lavarda, est revenu parcourir le même chemin, se dédiant au troisième objectif avec le thème « Comment soigner le malade ?». Le même couple d'héroïnes a préparé une troisième étape adressée au monde féminin, arculinaire, en mettant en valeur surtout les éléments locaux, en démontrant comment on peut se servir des fruits et des légumes, comment on peut les conserver d'une saison à l'autre. Elles ont incité à utiliser la canne à sucre, la farine de moulin sans rouleau, le riz battu, les biscuits, le pain et les pâtes faites à la maison, tous aliments dont on ne se sert plus à cause des produits des établissements, plus voyants, raffinés, conservés souvent sur les étalages avec un bel emballage, mais avec la date échue, dangereux pour la santé, largement connu comme cancérigène. En un mot, leur intérêt était celui de soutenir l'importance d'une alimentation ménagère, plus saine et plus économique, elle peut donc aider le bilan des familles. Malheureusement, la situation dans la paroisse et à la mairie a subi de profondes transformations et les incertitudes ont empêché le développement normal des travaux. Cette participation de la paroisse, où le curé ne peut pas qu'être le médecin des âmes, mais il doit aussi se soucier des corps, a été, pour moi, favorable à l'accroissement de mon expérience avec l'aloès et d'autres plantes et herbes, matériel qui a soulagé un peuple besogneux. Y a-t-il quelques autres observations sur l'aloès ? Quelques autres conseils qui méritent d'être répétés, de façon qu'on puisse terminer les questions? R. Naturellement, il est impossible d'épuiser le sujet de l'aloès en quelques pages, mais je pense pouvoir encore citer quelques points sans être trop prolixe, mais qui sont, d'après moi, très importants. Les voici. 1 degré. L'aloès va toujours et seulement à la recherche de l'organisme besogneux. Elle ne l'attaque jamais, ni ne l'agresse, ni ne le blesse ainsi que fait, par exemple, la chimiothérapie. L'aloès est une amie et une camarade. Et encore, elle est ton allié dans la lutte contre le mal. Si parfois des effets semblants en désaccord avec tout cela ont lieu, tu peux être sûr que, si tu continues la cure, tu verras bientôt qu'elle a agi avec fermeté, tel qu'un médecin qui intervient pour le bien de son patient, ou le père qui punit son fils pour son bien futur. L'aloès récupère l'organisme malade au lieu de le détruire. Après avoir éliminé les éléments toxiques, elle renouvelle dans l'organisme les éléments nécessaires à son maintien. Exemple, une dame souffrait depuis toujours de troubles intestinaux, causés évidemment à cause d'un tissu qui fonctionnait mal, et dont le problème connu par les médecins n'avait jamais été résolu. Comme je savais que l'aloès guérissait la diarrhée, bon, on est sur la voie de la guérison, je lui ai parlé de cette possibilité, en lui garantissant que la réaction désagréable ne durerait que 2 ou 3 jours. Et c'est bien cela qui est arrivé. Et une fois pour toutes, la dame a résolu son problème. La même chose est arrivée avec qui présentait des irrégularités du cycle menstruel. Et il arrive toujours la même chose, l'aloès règle la tension, élimine les corps étrangers de l'organisme en normalisant le cholestérol et d'autres dysfonctionnements. 2 degrés. Macérer les feuilles d'aloès ou les soumettre à des températures hautes ou basses, les réduire en poudre, signifie réduire les propriétés curatives de la plante. Cueille les feuilles seulement quand tu en as besoin, ne les conserve pas longtemps dans le réfrigérateur ou ailleurs. Et recours à la nature seulement, quand tu en as besoin et elle te répondra selon tes nécessités. Prépare ton mélange chez toi, tranquillement, et recours aux produits industrialisés seulement, quand existe la certitude absolue de fiabilité. N'oublie pas le facteur économique, la préparation chez soi aide l'économie domestique. 3 degrés. Évite d'envoyer les feuilles dans d'autres régions ou continents. Dieu a distribué les propriétés médicales par rapport aux nécessités particulières du lieu, du peuple et des animaux qui se servent des plantes et des herbes dans une cure personnalisée. Je crois pourtant que le même type d'aloès qui s'est développé en Palestine, en Israël, au nord-est du Brésil, au sud du Brésil, le long de la Méditerranée, en Argentine, au Mexique, au cœur de l'Afrique, présentera certainement des petites, mais significatives différences, propres à la région, sans que l'essence en soit altérée. De même race, élevée dans la pampa, en Hollande ou en Australie produira toujours du lait. Analysant le produit on trouvera des petites différences dues à l'alimentation, au climat, à l'eau et à d'autres facteurs, mais ce sera toujours du lait. Il est évident que le climat, la qualité du sol, les changements atmosphériques de la région aident à donner à la plante des caractéristiques particulières, sans causer des dommages à son essence. 4 degrés. Il vaut mieux que la personne atteinte d'un cancer, évite de manger de la viande de tout genre, ainsi que les dérivés des animaux, pendant qu'il est en train de faire la cure avec l'aloès. La raison est très simple. Le cancer vit comme un parasite dans les êtres constitués de chair. Imaginons que le produit provoque des effets semblables à ceux que l'aliment pourri ou échu peut causer à l'estomac, la personne qui l'héberge, quand elle se nourrit de viande, lui fera le plaisir de l'aider dans son indisposition ou son malaise, en lui apportant un lénitif, mais n'avais-tu pas décidé d'en finir avec ce maudit parasite? La question du malade semble pertinente, qu'est-ce que je dois manger? Juste maintenant que je me sens faible, on m'empêche de manger la viande, l'aliment principal? Devrais-je souffrir de la faim? Absolument. La viande n'est pas essentielle à la vie humaine, aux personnes anémiques non plus. En observant notre arcade dentaire, on conclut que l'homme ne possède que deux canines dans chaque mâchoire, avec lesquelles il déchire la viande, qui sépare quatre incisives, pour couper fruits et légumes, quatre prémolaires et six molaires, pour broyer ou hacher céréales, racines, etc. Si l'homme avait tant de nécessité de la viande, Dieu lui aurait certainement donné plus de canines pour arracher les fibres de la viande. Céréales, fruits, légumes substituent la viande avec des avantages pour la santé des êtres humains. Non seulement ils sont digestibles mais ils coûtent beaucoup moins. 5 degrés. On l'a peut-être déjà dit, mais pour éclaircir je pense qu'il vaut mieux insister une fois encore, en mieux expliquant le sujet. S'éloigner de la drogue, de la fumée, de l'alcool, ainsi que le diable se sauve de la croix, ce serait un bon choix pour notre santé. On dit que la fumée, l'alcool, librement vendu, apporte des recettes au trésor public, par les impôts perçus. Disons que le gouvernement fédéral encaisse, à peu près, 4 milliards de raies, monnaie brésilienne, des impôts sur la fumée et l'alcool. On a démontré, noir sur blanc, que les dépenses du gouvernement pour les maladies causées par la fumée et l'alcool arrivent au double de ce chiffre. Ce système ne guérit pas les dommages causés par la fumée et l'alcool, mais il les soigne. Pensez-vous si un jour il y avait la libéralisation de la drogue? Et il y a autre chose en plus, celui qui abuse d'alcool, de fumée, de drogue a comme conséquence une série de dommages irréversibles, des lésions que Dieu non plus ne peut soigner. Veillez afin que les aliments, spécialement fruits et légumes, soient cultivés sans pesticides ni engrais chimiques, même s'ils ne se présentent pas bien. Évitez les boissons ayant des agents conservateurs, car elles sont considérées cancérigènes. Pourquoi ne pas préparer un jus de citron de fruits ou de légumes au lieu de la boisson traditionnelle? Soutenez et diffusez les campagnes publicitaires, qui luttent pour une meilleure qualité de l'air. Exigez avec insistance que les industries polluantes se fournissent de filtres. Exigez que les industries fabriquent des voitures, et d'autres biens de consommation, sans polluer, la technologie est à même de produire l'automobile, avec le permis des 7 sœurs, sans polluer. Contribuez à l'introduction d'habitudes alimentaires saines, en fournissant des éclaircissements à l'opinion publique, en utilisant les moyens de communication de masse, en mettant en action et en rendant actif l'individu, le gouvernement, la société, le monde entier. Il faut collaborer pour la santé de tous les hommes. C'est-à-dire, il vaut mieux prévenir que soigner. Peu ou rien ne vaut pour voir au nettoyage total de l'organisme si demain ou après-demain tu l'intoxiques de nouveau, ce serait comme la politique du nettoyage de la porcherie. Pourquoi êtes-vous obsédé par l'idée de divulguer cette recette? Avant tout, il y a l'aspect humain. J'ai assisté aux derniers jours de vie de mon père. Il hurlait de douleur comme un fauve blessé, il avait été victime d'une tumeur au poumon, fumait depuis l'âge de 14 ans, sans pouvoir trouver aucun soulagement pour ses douleurs. Face à cette angoisse, vu mon impuissance, je me demandais, comment peut-il arriver que, nonobstant tous les progrès faits par la science moderne, on n'a pas encore réussi à découvrir un remède pour cette horrible maladie, qui entraîne inexorablement à la mort? Et mon père, même s'il n'avait que 63 ans, était condamné à mort, étant donné sa maladie au poumon, un homme fort, vigoureux, sans aucune maladie jusqu'alors, et pourtant, comme tous ceux qui sont frappés par ce mal, il a inévitablement marqué, exactement après 8 mois seulement, du diagnostic de la tumeur. Dans mon esprit je cherchais à trouver la réponse secrète de ce mystère insurmontable, il doit y avoir un animal, une plante, un minéral, n'importe quoi, qui puisse résoudre ce problème. J'ai heureusement trouvé, quelques 10 ans après, la réponse à mon dilemme, et c'est elle le sujet de ce livre. 1. Parce que le système sanitaire brésilien, étant donné l'inactivité de la sécurité sociale, a échoué. 2. Parce que la médecine officielle est devenue inaccessible à plus de 70% de la population, qui vit avec des salaires très réduits, une honte mondiale, il n'y a pas de manière de veiller à la santé, car le salaire ne suffit pas non plus pour manger. 3. Veiller sur la santé est devenu un luxe, le sujet santé a été effacé de la liste des nécessités primaires. 4. La vie humaine n'a pas de prix, ni la vie de n'importe qui, n'importe où. Sauver une vie ou la prolonger en améliorant ses conditions, est quelque chose de séduisant et de ravissant. C'est ce que j'ai éprouvé un dimanche après-midi, lorsque, de Cruz Alta, je reçois un coup de téléphone de la part d'une mère, dont la fille, atteinte de lupus, a réussi à se libérer de cette maladie après 3 semaines seulement de cure. D'après son dermatologiste, dis-je-lui, la maladie était incurable, et la jeune fille aurait donc dû s'habituer à vivre avec ce problème jusqu'à la fin de ses jours. Je pense au climat de fête qui a envahi cette famille. Je suis sûr que des milliers de familles ont pu jouir d'un climat pareil à celui-là grâce à cette recette naïve, économique et, le plus souvent, efficace. 5. Le malade que j'ai sauvé devient, mystérieusement, le fils que je n'ai pas eu, le fils auquel j'ai renoncé en pleine possession de mes facultés, dans le but de dédier tout mon temps et toutes mes énergies au service du règne de Dieu et des frères, qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, de couleur ou blanc, riches ou pauvres. Au-delà des apparences, ce qui importe c'est qu'il s'agit d'êtres humains, créés tous à l'image et à la ressemblance de Dieu, ayant le droit à une vie digne et saine. Ce sont des créatures auxquelles Dieu révèle tout son amour. Très souvent, si la plupart des hommes ne peuvent pas avoir accès à ce qui est essentiel pour vivre, même pas le minimum nécessaire, ne pouvant pas s'approcher de leur tranche de gâteau, ce n'est pas de la faute de Dieu, ou d'un partage pas équitable de la sa part, c'est de la faute de l'avidité et de l'égoïsme des plus forts, et des plus rusés qui exploitent, avec insolence, les plus faibles et sans défense. Dame, nous risquons de jurer, pourquoi Dieu qui peut tout, ne met-il fin à cette race de méchants? En réalité, en prouvant les merveilleux effets de la formule avec plusieurs malades, qui avaient suivi d'une façon exhaustive les conseils des médecins, sans trouver aucun soulagement, dont le destin aurait donc été la mort imminente, j'ai commencé à croire dans la formule, et en partant de cet endroit pour arriver à la plateforme de lancement, voulant la diffuser presque avec obstination, surtout face à son efficacité pour combattre des problèmes considérés insolubles de part de la médecine orthodoxe, il m'a fallu un pas. Le fruit de cette attitude est ce petit livre, très modeste, mais dont je voudrais qu'il puisse aider une personne en difficulté ou sans plus d'espoir. J'ai eu la joie de voir des résultats concrets de mes propres yeux, confirmés par la famille du patient et surtout, par les examens médicaux, des réponses sur à la résolution du problème, considéré comme une cause perdue, si on avait suivi les procédures ordinaires. Est-ce qu'on comprend bien maintenant cette manie à moi de courir de ville en ville, de parler à des personnes, de les rejoindre par la radio et par la télévision, sans rien y gagner? Aucun mystère. Tout est très simple, tel que l'eau qui coule vers le bas, tout cela peut sauver des vies. Quels pays ont étudié davantage l'aloès vrai, ou barbadancier en tant que plante médicinale? R. Je pense que les États-Unis, avec eux la Russie, sont bien au-devant dans cette course, suivis des Japonais. D'ailleurs les Japonais, victimes des bombes atomiques il y a 50 ans, se sont largement servis de l'aloès pour secourir les personnes qui avaient été frappées par la radioactivité, produite par ces engins diaboliques. Et l'aloès a très bien répondu, si bien qu'aujourd'hui des personnes qui ont visité ce pays, m'ont raconté avoir vu des plantes d'aloès dans beaucoup de maisons et d'appartements, puisqu'elle est considérée comme la plante qui guérit tout. L'Allemagne, la Suisse, la France, l'Italie, parmi les autres pays, pratiquent l'homéopathie, et se servent de l'aloès. Il y a un travail continu dans les laboratoires, où la plante est séchée et où l'on découvre toujours de nouveaux aspects, surprenants pour tout le monde, vu que sa richesse est incommensurable. Comme l'aloès ne résulte pas toujours positive au 100% dans la lutte contre le cancer, connaissez-vous des alternatives pour combattre la maladie, en excluant la médecine orthodoxe? R. Puisque l'aloès ne guérit pas toujours le cancer, pendant mes déplacements j'ai eu la possibilité de connaître d'autres formes de traitement de la maladie. En voici quelques-unes. 1. Abelco, Ablose, plante de la famille des Euphorbiacées, non scientifique, Euphorbia tirucali, originaire de l'Afrique et cultivée surtout au nord-est du Brésil. Confère dictionnaire Aurelio, première édition. Vulgarisateur de la plante, et guéri d'une fistule pleurale, le père Raimundo C. Welsenmann, S.J., est considéré comme une autorité dans l'application du médicament. Pour plus de renseignements, s'adresser à la librairie Padre Heureux, duc de Caxia, 805, Porto Alegre, RS, Brésil. 2. Pomme. À Tel Aviv, Israël, il y a un rabbin qui soigne des personnes malades de cancer, en leur conseillant de manger exclusivement des pommes. Une fois j'ai lu dans une vieille encyclopédie médicale que, mangeant 10 pommes pendant une certaine période, un métabolisme général du sang se vérifierait. 3. Les deux choses sont-elles en relation? 4. Miel. En prendre en abondance, surtout à jeun, à cause de son grand pouvoir cicatrisant, et de conservation de l'organisme. 5. Eau. Le docteur Aldo Alessiani de Rome, applique une potion à base d'eau. Il préfère traiter les cas de cancer en phase terminale. Personnellement je crois que, avec le développement de l'homéopathie, dans peu de temps, on pourra guérir aussi les maladies les plus graves, seulement en utilisant l'eau comme matière. On verra bien. 6. Machérium, extrait de notre angico, et aspidon, extrait du popereira, deux arbres brésiliens considérés anticancérigènes. Le popereira est aveugle comme la chimiothérapie, appliquée par la médecine traditionnelle, en tant que thérapie contre le cancer, l'aspido élimine les cellules mortes ou malades, attaquant par la suite les saines aussi. Mêmes effets que la chimiothérapie. À ce point le machérium entre en jeu, et cherchera à neutraliser et à reconstruire le désastre écologique produit par son collègue aspido. Le mérite de cette cure est dû à Silvio Rossi de Turin. 7. Urine. La matière est sa propre urine. Les divulgateurs de l'urinothérapie garantissent que cette méthode guérit du cancer en 3 semaines. Elle servirait aussi pour guérir le sida. 8. Viande de serpent, bubolo, méthode apprise des Indiens d'Amérique. Ils provoquaient le serpent jusqu'à ce qu'il soit prêt à frapper, moment où le poison se diffuse uniformément partout dans le corps. À ce point on tue l'animal. Une fois la tête et la queue coupées, la viande est lentement rôtie. Il faut la hacher et la mettre dans des gélules, comme celle des antibiotiques. Avant les 3 repas principaux, le patient prend une gélule. Au Mexique, il est possible d'acheter des gélules de viande de serpent dans les magasins de produits naturels. Dans ce pays-là, le serpent ne manque pas. 9. Laurier, j'ai eu cette recette d'une dame palestinienne, qui habite en Cisjordanie. Me servant d'un peu d'anglais, de français et d'arabe, j'ai réussi à lui arracher la recette de la bouche, fait bouillir 4 feuilles de la plante dans 1 litre d'eau pendant 15 minutes. On en prend 2 cuillerées avant les repas. 10. IPE accent circonflexe violet. Depuis quelques années, cet arbre est apparu, le principe actif contre le cancer, se limite pratiquement à son écorce, et seulement dans celle de l'arbre adulte, âgé de 50 ans environ. 11. Bounon contaminé par des pesticides. Appliqué sur la partie malade, elle sort beaucoup de maux de l'organisme, le cancer compris. 12. Musurum, c'est une plante ornementale de la couleur du sang. On prend la tisane préparée avec une feuille dans une tasse d'eau. Si le cancer est extérieur, on met la feuille bouillie sur le mâle. 13. Vitamine C Polé B de Paraná Panamá, Espagne, a développé un produit vendu en gélule, à base de vitamine C, qui a guéri des cas de cancer. Je voudrais faire remarquer qu'aucune des méthodes susdites, n'ont été soumises à des tests de ma part. Mon expérience se fonde sur l'aloès, parce qu'il s'agit d'un élément nutritif pour l'organisme.